donc un peu les filles. Allez, ah, si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue ici sur l'antenne de RIG 90.7 à Bande FM et sur le net RIGFM.fr pour suivre cette émission Johnny de A à Z, l'émission consacrée à Johnny tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année 2022 et puis qui dit dernière émission dit souvent rétrospective. On va parcourir toutes les émissions qui ont été diffusées pendant l'année 2022 sur Johnny Hallyday avec les albums de la semaine, avec les thèmes et aussi les émissions spéciales. En tout, 29 émissions ont été présentées ici pour votre plus grand plaisir sur cette radio pendant un an, pendant l'année 2022. Ouais. Et dans les grands moments qu'on a pu avoir, on a pu connaître dans cette émission, eh bien, il y a eu la 500e émission de Johnny de A à Z ici sur RIG. L'an dernier, c'était les 20 ans. Cette année, c'est la 500e émission. On aura un petit extrait, évidemment. Donc, ce ne sera pas un best-of particulièrement, non, parce qu'il n'y a pas de moment fort. Il n'y a que des moments forts de cette émission Johnny de A à Z. Et donc, on va repartir de l'émission 476 jusqu'à l'émission 504, c'est-à-dire l'émission de la semaine dernière. On va commencer tout de suite avec l'émission qui était du 5 janvier 2022. Et cette émission rendait hommage à Robin Le Mesurier qui, de 1994 à 2017, Robin Le Mesurier a fait vibrer les cordes de sa Fender pour notre plus grand plaisir auprès de Johnny Hallyday. Et il nous avait quitté le 22 décembre 2020. En direct, on l'a appris ça en direct en pleine émission de Johnny de A à Z, et donc ça va faire un an que Robin Le Mesurier nous a quitté, et encore on lui disait merci l'artiste. Et en extrait, je vous propose d'écouter un extrait du Bercy et puis aussi en même temps une chanson que de Robin Le Mesurier avait composée pour Johnny sur l'album Rough Town. C'était Are the Chances Gone, et celle-ci sera extrait donc du Bercy 95, mais nouvelle version alternative. Bonne soirée à toutes et à tous, vous écoutez RIG pour te prendre plaisir et pour mon plus grand plaisir. Bonne écoute. Spotlight. Well, I guess the time has come. We've gone to that point, baby, to stay or move on. Well, can we try to reconsider? Chance is gone. I see black clouds in the sky tonight. Well, I see a red moon telling me we're in trouble time. is gone. À Bercy en 1995, avec Colin James, bien entendu. Nous en sommes à l'émission 477 qui a été diffusée le 12 janvier 2022 et on présentait l'album Entre violence et violon. Et puis également, donc, dans cette émission, il y avait aussi des promotions hein, sur RTL, comme dans, genre dans l'émission Casino de Parade au théâtre Montparnasse le 10 octobre 83 avec Fabrice. Et sur la radio RMC, c'était l'émission Wap du Wap du 21 juillet 1983. On va écouter en extrait du Casino de Parade présenté par Fabrice, le duo Jean-Jacques Debout et John Hallyday, La Mer. Deuxième invité de Johnny pour ce Casino Parade exceptionnel aujourd'hui. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Quand j'ai commencé à chanter dans ce métier, nous avons fait les tournées, nos premières tournées ensemble. C'est Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques Debout. Bonjour. Vous allez chanter ensemble avec notre trio accompagné par le trio de Casino Parade. Je vous laisse dire le titre, mes enfants, ils vont la reconnaître tout de suite. Vous avez le droit de chanter aussi si vous le voulez, bien entendu. La mère de Charles Trenet. La mère de Charles Trenet, Jean-Jacques Debout et Johnny Hallyday. Bonjour, cher public. Quelle joie pour moi de chanter avec mon ami Johnny Hallyday. La mer, on va danser le long des gorges clèves, à des reflets d'argent la mer, reflets changeants sous la pluie. La mer. Magnifique, Fabrice, magnifique. 19 janvier, c'était l'émission 477 et je vous présentais l'album de la semaine. Salut les copains. Et il y avait aussi quelques versions originales. On revenait donc dans les années 60. Deux titres que je vais proposer. Nous comptons son bras et on écoutera la version originale de Jerry Lewis qui nous a quitté cette année avec High School Confidential. Lorsque le soir on se retrouve tous les deux, rien que nous deux. Lorsque fou de désir, on tire les rideaux sans dire un mot, un seul mot. Le silence pour seul témoin. Mon amour, on est si bien. Oui, on est si bien. Jusqu'au petit matin, que l'on n'en demande plus rien. Nous, quand on s'embrasse comme ça. Nous, quand on se regarde comme ça. Nous, quand on s'arrête comme ça. Nous, quand on s'enlace comme ça. La joie fait rage dans nos cœurs. L'amour brûle les heures. On est ivre de bonheur. Mais la pluie peut bien frapper nos carreaux dans un bruit d'enfer. Oh, yeah. Nous quand on s'embrasse comme ça, nous quand on se regarde comme ça, nous quand on se caresse comme ça, nous quand on s'enlace comme ça, la joie fait rage dans nos cœurs, l'amour brûle les heures, on est ivre de bonheur. If your lover boy means that's a knocking, why don't you listen to me, sugar roll? I catch her at the high school rocking. Woo! Honey, get your bopping shoes. Hope the jukebox blows a fuse. I got everybody hopping, everybody bopping, bopping at the high school hop. Well, I'm bopping at the high school hop. I've been shaking at the high school hop. I've been hopping at the high school hop. I rock and rockin' at the high school hop. I got everybody hoppin', everybody bumpin', got them bumpin' at the high school hop. Come on, little baby, let me show you what I'm gonna do. My name is Jerry Lee Lewis, I'm going to burn it off of both of my shoes. My God, my heart's a beating rhythm, and my soul, they keep on singing blue. Oh, I'm hoppin' at the high school hop. Lookin' at the high school hop. I'm just livin' at the high school hop. Takin' at the high school hop. Got everybody hopping, everybody bopping, got them bopping at the high school hop. Let's go now! Yeah. Well now listen to me baby, let me give you a piece of good news. I've been shaking at the high school hop. I've been jumping at the high school hop. Really rolling at the high school hop. I got everybody hopping, everybody bopping, bopping at the high school hop. Biggie slide. High School Confidential, que vous venez d'écouter, c'est la version que Jerry Lewis avait enregistrée en 89 pour les besoins du film Great Balls of Fire, un biopic sur scène. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On avait quoi, Johnny? Cancer de Cambrai à l'instant, John Hallyday avec J'ai mal. C'était lors de l'émission 479. Je vous présentais le 2 février la tournée 69-70 et je vous faisais découvrir l'intégralité du concert inédit de Cambrai 70, extrait du livre disque Vie qui était sorti le 28 janvier et aussi avec quelques extraits de Port-Bacquerès 69 et de Québec 1970. Maintenant, émission 480, c'était le 9 février. Je vous présentais l'album de la semaine Solitude à deux avec une interview extraite du Grand Échiquier présenté par Jacques Chancel le 31 août 1978 et quelques extraits de live de la tournée 78. Et en extrait de ce spécial Grand Échiquier, je vais vous présenter Le Pétrole, la chanson Le Pétrole. Et puis, juste avant, Johnny va répondre à une petite question. Pourquoi t'es si difficile à approcher? Dire, pour avoir une interview de Johnny Hallyday, il faut attendre, il faut pas se caler au bout du monde. Parce qu'en général, on me pose toujours la même connerie. On me dit toujours qu'est-ce que vous pensez de ci, qu'est-ce que vous pensez de ça. Moi je pense à rien, je m'en fous en plus. Moi tout ce que je demande c'est de vivre bien, de me marrer, de voir mes copains, de voir les gens que j'aime bien, d'aller au cinéma comme tout le monde, de lire des bouquins, de bien bouffer, de bien boire et puis de m'éclater. T'essayes pas d'entretenir un certain... Alors j'ai toujours des faux intellectuels qui me disent « Mais si vous n'étiez pas chanteur, qu'est-ce que vous auriez fait ?» Qu'est-ce que j'en sais, je suis chanteur.

présentation de cette émission Johnny de A à Z, je vous présente la rétrospective de l'année 2022 sur les 29 émissions qu'il y a pu y avoir. Oui, je sais, il y aurait pu en avoir beaucoup plus. Oui, mais ça dépend, mais c'est bon aussi la rareté. Donc, quoique 29 émissions, ce n'est pas rare du tout. Je vous présente donc les 29 émissions de toute cette saison. Et on retrouve également donc l'album Vie avec la version remasterisée 2022, 50 ans après, avec aussi également une interview de Xavier Perrot, responsable artistique, catalogue Johnny Hallyday chez Universal. On va écouter La fille aux cheveux clairs, la version alternative, du moins prise de voix alternative. De la fenêtre de mon train, un soir j'ai vu une fille qui avait les cheveux si clairs. J'ai cru un instant rêver. Nous étions à la fin du jour et j'avais longtemps voyagé. J'avais des cendres dans la bouche et je me sentais fatigué. Seuls les enfants. Elle n'attendait rien ni personne. Je suis descendu sur le quai. Elle m'a fait visiter sa ville et marcher dans des champs de blé. Le 23 février 2022, je vous présentais l'émission 482 avec l'album de la semaine La Peur qui est sorti le 7 septembre 1982, 30e album de Johnny Hallyday et le 4e album produit par Pierre Billon. Voici un extrait, Je suis victime de l'amour. Il a tiré droit au cœur, l'amour est un vrai tueur, le tout a claqué. Il m'a eu au coin de la rue, il m'a guetté pour m'assassiner. Victime, victime, je suis victime de la. Et ta fille, oui, j'ai vu son regard beaucoup trop tard. Là, ouh, oh, ça fait mal, droit au cœur en rafale.

I'll wait till you're through living in your tender years. Restez dans les versions originales, car dans l'émission 485, le 23 mars 2022, je vous proposais une émission intitulée Le Rock'n'Roll, Johnny Rocker et les standards du rock et ses pionniers. On va écouter deux extraits avec le titre You Can Judge a Book by Its Cover par Bob Dylan, ainsi que la version française de Johnny Hallyday, Donne-moi une preuve. By looking at a tree, you can't judge honey by looking at the bee. You can't judge a daughter by looking at the mother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Judge a book by looking at the cover. Oh, come on in closer, baby. Hear what else I gotta say. You got your radio turned down too low. Turn it up. Looking at the king, you can't judge a woman by looking at her maid. You can't judge a sister by looking at her brother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. Well, I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cup, come on. Oh, how am I doing, baby? Oh. Yeah. You can't judge a fish by looking in the pond. You can't judge right from looking at the wrong. You can't judge one by looking at the other. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you can't judge me. Hey, like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Avec « Tu ne peux pas juger un livre par sa couverture » ou en regardant sa couverture, c'est ce qu'il dit dans la chanson. Voici les versions de Johnny Hallyday en 1965. « Donne-moi une preuve ». Pour bien connaître un livre, il suffit de le lire. On fait tourner les pages, on sait tout de lui. Mais avec toi c'est autre chose, tu sais parler et rire. Mais je ne peux pas voir dans le fond de ton cœur quand tu dis « Oh, je n'aime que toi ». Je cherche au fond de tes yeux une preuve, mais tu ne peux pas me laisser lire en toi. Ah, non. Je ne peux pas juger l'abeille sur son miel. Elle joue les sucrés, mais moi je me méfie d'elle. Quand je te vois, je pense à ça, tu es douce comme le miel. Mais je ne peux pas voir dans le fond de ton cœur quand tu dis je n'aime que toi. Je cherche au fond de tes yeux une preuve, mais tu ne peux pas me laisser lire en toi. Non. Que toi non plus tu ne sais rien de moi, et que d'autres avant moi se sont moqués de toi, que ce n'est pas sur un baiser que tu peux me juger. Mais si tu voulais voir dans le fond de mon cœur, quand je dis oh je suis amoureux, tu trouverais dans mes yeux mille preuves que je ne mens pas, que je n'aime que toi. Ah oui, oh, rien que toi. Ah, rien que toi. Émission. Non, salut, c'est non, Johnny. Pas de suite, pas de suite. Si, mais après ça. Johnny en live. Pendant l'émission 486, je vous propose en tout d'écouter John Hallyday en live, mais les lives des années 2010. C'était le 13 avril 2022 et on parcourait les plateaux et les scènes françaises, suisses, belges, voilà. Et on avait aussi ce titre, Guitar Hero. Je ressemble à toi. Avec cette guitare dans le dos. Et c'est du 3 mai 2011. Non, jamais, jamais, jamais. Jamais t'es toi. Ce soir, rétrospective de l'émission Johnny 2 à Z pendant toute l'année 2022. À l'instant, Guitar Hero, extrait de Taratata du 3 mai 2011. Vous savez aussi que vous pouvez retrouver toutes les émissions, pratiquement toutes les émissions de Johnny 2 à Z en podcast sur johnnyaz.lepodcast.fr. Je répète, johnnyaz.lepodcast.fr. Et vous pourrez retrouver notamment également cette émission 487 avec l'album Gang. C'était le 20 avril 2022. Et pendant ces deux heures d'émission, je vous proposais de retrouver les duos, Johnny Hallyday et Jean-Jacques Goldman, la tournée 87-88 et les tubes de l'album de la semaine Gang datant de 1986. Et notamment un duo, enfin du moins Jean-Jacques Goldman est sur scène avec Johnny Hallyday, il fait les chœurs sur le titre Je t'attends. C'était pendant la nouvelle affiche le 7 janvier 1987. vivais de ma vie. Quand je lui disais peut-être, ah, son cœur entendait oui. Aujourd'hui, aujourd'hui, je pourrais vivre heureux. Je pourrais vivre avec toi. Je me retrouve tout seul, seul. Moi, moi j'ai tellement besoin de sentir ta main dans la mienne. Je me sens perdu comme dans un immense désert. Moi, pour vivre, j'ai besoin de sentir ton corps contre le mien. Autrement, j'ai peur. Autrement, j'ai froid. Je t'aime sans toi. au Palais des Sports de Paris. C'était le 26 avril 1969 de Europe 1, captation de Europe 1. On l'a retrouvé avec l'album La Danse Bordeaux, Rivière ouvre ton lit. Nous voici en 1981 et Johnny Hallyday à l'Hippodrome de Pantin notamment, avec ce titre d'ouverture, Guerre. Écoutez deux titres extraits de l'émission 88, une sélection de live donnée par John Hallyday au cours de ses shows parisiens dans les années 60 avec le titre Je n'ai pas voulu croire. C'était diffusé le 11 mai. Puis après, il y a eu Ma Fête, la Saint-Éric, le 18 mai. Oui, oui, il y avait aussi un classement de mes 30 titres préférés de John Hallyday. Mais ça, j'ai passé, hein, parce que je me fais plaisir tout au long de l'année, bien sûr. Émission 490, à l'instant avec le titre Guerre. C'était les live intro diffusés le 1er juin 2020. C'était, en gros, on revivait pratiquement tous les titres d'ouverture des spectacles de John Hallyday de 1960 à 2016. À présent, nous en sommes à l'émission 491 du 8 juin 2022. C'était l'émission spéciale Johnny Archive Live. On retrouvait des extraits des trois concerts sortis sous la bannière Johnny Archive Live. Donc, c'est une nouvelle collection avec les concerts de Fréjus 66, Grenoble 68, Johnny Circus 72 et des interviews de Martine Carrouge, chef des archives M6 RTL, de Xavier Perrault,

assure que le bouton n'est pas friqué. Vous pouvez assurer que ça a vraiment existé. Dites-moi, alors, ne me racontez plus l'histoire. J'ai besoin de toucher le voir pour y croire. C'est vrai, le sable était blanc. C'est vrai, il y avait des enfants, des oiseaux, des arbres, des fleurs. C'est vrai, ça a vraiment existé. Ça a vraiment existé. Le 15 juin dernier, je vous diffusais une émission, les Live Outro, oui, après l'émission Live Intro. Et on vivait pratiquement tous les titres de clôture des spectacles de Johnny Hallyday de 1960 à 2016. Le 15 juin, c'est l'anniversaire de Johnny Hallyday. Et puis, la semaine suivante, le 22 juin, je vous présentais une émission, la 493e, Johnny Elvis. C'était à l'occasion de la sortie du 22 juin 2022 du film Elvis, réalisé par Baz Luhrmann, avec Austin Butler et Tom Hanks. Et donc, quoi de mieux que de vous proposer une émission 100% live avec les deux idoles, Elvis Presley et Johnny Hallyday. Et là, ce n'est pas un live que j'ai proposé de Elvis, mais une version studio de la chanson I'm Left, You're Right, She's Gone, et on retrouve la version de Johnny Hallyday lors du Restez Vivant Tour. We're right, I'm left, she's gone. We're right, and I'm left all alone. Well, he tried to tell me so, but how was I to know? By she, he was another one for me. He told me all along, you're right, our love was wrong. But now I've changed my mind, cause she broke the tie of mine, and I know that she'd never care for me. Well, I thought I knew just what she'd do, like, guess I'm not so smart. Are you trying to tell? All alone, you don't break my heart. I'm left, you're right, she's gone. You're right, and I'm left all alone. Well, she's gone, I know not where, but now I just don't care. For now, I'm falling for you. Well, she's gone, I know not where, but now I just don't care. For now, I'm falling for you. Voici une chanson maintenant de Elvis. Chanson qu'il avait enregistrée en 1956. 54. Sur le label Sun Records à Memphis, Tennessee. Eh oui. Et cette chanson s'appelle I'm Left, Your Watch Is Gone. Restez vivant tour de 2015 jusqu'à 2016 et ce titre d'Elvis, I'm left, you're right, she's gone. Exactement. Émission suivante qu'on retrouvait donc la 394e, c'était la rétrospective de la saison 2021 et 2022 de Johnny de A à Z. Pour l'émission de rentrée 495, c'était des live Bercy, c'était la rentrée pour l'émission Johnny de A à Z, la 22e saison, le mercredi 7 septembre. Et je vous proposais, suite à l'actualité du coffret collector Bercy, qui est sorti là, le 2 décembre, je vous proposais de revisiter les Bercy 87, 90, 92, 95, 92, 2003 et 2006 avec quelques perles des premières en bootlegs. On va passer parce que Bercy viendra un peu plus tard. Puis on en a écouté déjà plusieurs extraits au cours de cette soirée. La semaine suivante, c'était l'émission 496 avec l'album de la semaine Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et toutes les chansons ont été écrites par Michel Mallory. Et aussi, il y avait quelques extraits de la tournée nord-américaine de John Hallyday en 2014. Je propose d'écouter un extrait d'album de la semaine, donc Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je construis des murs autour de mes rêves, non pas en version studio, mais lors du Top à Johnny, c'était le 22 juin 1974. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Laisse-moi mon destin. suis comme le vent d'été, je ne fais que passer. Tout ce que toi tu m'as donné, je ne l'oublierai jamais. Moi je construis des murs autour de mes rêves. Moi je construis des murs autour de mes rêves. Un jour j'aimais une fille que l'on disait perdue. Le seul amour qu'elle connaissait le vendait dans la rue. Lors de l'émission 497, je vous propose d'écouter les bootlegs des années 70. On découvrait les meilleurs bootlegs des années 70. Bon, qualité sonore, c'était radio, console, amateur. Et là, je vous propose d'écouter Vigneux, le 11 mai 1973, et le titre Suzy Q. En ouverture du titre, juste avant le titre, La fille aux cheveux clairs. Ça va brûler. Thank you. love the way you walk. I love the way you talk. I love the way you walk. I love the way you talk. So secure. Oh, so secure. So secure. So secure. Il enchaînait avec le titre La fille aux cheveux clairs. L'émission 498 était suite à l'album de la semaine qui s'intitulait Scène finir à jamais et qui celui-ci était sorti le 27 octobre 2008. Et en complément, je vous proposais l'émission de France 2 sur John Hallyday diffusée le 1er décembre 2008. L'émission s'intitulait Ça ne finira jamais. Et là, on va retrouver John Hallyday en train d'interpréter le titre éponyme Ça ne finira jamais avec Calogero à la basse. Mais bon, on sait très bien que c'est du playback tout ça, hein. C'est du playback. Ça va bien, écoute, c'est gentil de venir jouer avec moi sur ton titre. Écoute, ça ne finira jamais. Jamais. T'as une belle basse, hein. Elle a sorti à la Leslie, elle a sorti à l'Orgamon, elle a sorti au chevet des filles. Que c'est gentil d'être venu. Mais je suis ravi. Et je peux pas avoir meilleur bassiste, hein. Si tu peux, mais aujourd'hui c'est moi. Bon, on essaye. On essaye. D'accord. Allez, on y va. Je suis ravi aussi que ce soit une chanson de Calogero que j'aime beaucoup, qui est un copain. Moi, j'aurais écrit cette chanson, je l'aurais gardée pour moi. Et il a été gentil de me la donner. Ensemble tellement de temps qu'on s'est donné, oui, d'amour sans compter, c'est pas pour rien. Ces chansons qui nous rassemblent autour de ce feu que rien n'atteint. Ça ne peut pas finir. Il y a trop de souvenirs. Des jours, des nuits qu'on ne compte pas. Et même si je pars, je ne te quitte pas. Ça ne finira jamais, on refera la route, je te le promets, je ne suis que la somme des mains qui se tendent, des cœurs qui attendent, je suis ceux qui m'ont aimé. Merci, Gallo. À la fin de tout, c'est le public qui est seul juge. Avant de savoir s'il a une carrière devant lui ou s'il n'en a pas. À l'émission 499, c'était Johnny à la radio. Je vais le présenter le 21 octobre 2021. Et au cours de cette émission, il y avait deux émissions de radio présentées par Patrick Sabatier. La première sur RMC, l'émission Croque Musique du 11 août 1980, avec la promotion de l'album À partir de maintenant. La deuxième émission, c'était sur RTL. En 1982, Johnny présente son dernier album en date, Quelque part un aigle. Et là, je vais vous proposer donc un extrait donc de l'émission Aide sur RMC, Croque Musique du 11 août, avec le titre La poupée qui fait non, et après une petite interview de Johnny sur Michel Polnareff. Deuxième heure de Croque Musique avec Johnny Hallyday, Johnny qui vous offre la poupée qui fait non, Johnny Hallyday. Toute la journée, il fait noir. La poupée qui fait non, t'as bien fait de l'enregistrer quand même. Bah, j'ai enregistré, bon, bah, voilà, pour les raisons que j'ai dit. Non, donc, que... Michel Polnareff n'a pas fait de caston avec moi en 71, comme a dit très justement monsieur. Pour pas d'espoir. Il est plus simplement pour son plaisir, pour son pied, comme on dit dans le métier. Et puis, il a joué gratuitement tous les jours. Et il n'avait pas besoin de ça pour sa publicité. Et puis, bon, bah, il a eu des problèmes d'impôts comme on a tous eu. Aznavour, bon, plein de gens. Et puis, bon, il faut dire qu'il faut payer beaucoup d'impôts, c'est vrai. Ça t'est arrivé aussi d'avoir des problèmes d'impôts? Oh là là, ouais. là, j'en ai toujours. J'osais pas te le demander parce que j'en ai toujours. J'essaie de les payer. D'ailleurs, quand je fais un gala, je gagne rien. Parce que ce qui me reste, il faut que je le donne. Voilà. C'est-à-dire que oui, vous savez ce que c'est un poisson? On tire un poisson, et puis un autre poisson qui passe à côté, et puis il le loupe. Et ben voilà, moi l'argent, c'est pareil. Il passe devant moi. Conclusion pour faire une bonne action, on peut dire Johnny ce soir à Nice. Ah non, mais oui, pour les impôts. Pour les impôts, voilà. Non, mais c'est dit, je ferai un bon spectacle parce que j'aime mon métier. Et puis ça me permettra en tout cas de faire une bonne bouffe après. Et puis bon, ça fait quand même plusieurs fois. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à manger, tout ça. Ça fait quand même plusieurs fois que tu parles de bonne bouffe depuis le début de l'émission. Mais oui, mais avec l'âge. Moi, avant, je me contentais de n'importe quoi. Maintenant, je veux dire que je commence. Enfin, s'il y a quelqu'un qui nous entend ce soir, ou quelqu'un dans l'audience ici, qui fait bien les pâtes, par exemple, j'adore les pâtes, avec de la sauce tomate un peu à l'arabiata. Hein, piquante et tout. Il y a quelqu'un dans la salle qui fait. Ou les boulettes de viande. Ouais. Ou alors la soupe corse, ou la soupe. Enfin, la soupe un peu dans le genre corse. Vous m'invitez, je viendrai avec plaisir. Si en plus elle est jolie, la soupe. Je reste avec plaisir. Voilà, là on prend les inscriptions tout de suite après l'émission. Non, ceci dit, pour être sérieux, quand même, il faut être sérieux. Polnareff est quelqu'un que j'aime beaucoup et je sais que maintenant il va rester en France. Je sais que ses problèmes, à mon avis, se sont un peu arrangés. Et je suis vraiment très heureux parce que. C'est un bon musicien. On n'en a pas beaucoup en France. Et je pense qu'on avait besoin qu'il revienne. Je crois qu'on peut applaudir ça, hein. C'est une bonne phrase. Et c'est pas vrai que tu as enregistré tes chansons parce qu'il t'en manquait une sur Coral, donc ça aussi faut le dire. Oui, parce qu'on m'a dit aussi, mais qu'est-ce qui t'a pris Johnny? T'as enregistré La poupée qui fait non, parce qu'il devait te manquer une chanson dans ton album. C'est faux parce que j'en avais 3 ou 4, pas mal. Qui n'ont pas fait d'ailleurs, qui n'ont pas fait la carrière de la poupée qui fait non, mais enfin bon, qui aurait peut-être pu la faire, que j'ai enlevé pour faire celle-là, parce que je pensais qu'il fallait faire celle-là pour lui, pour le public qui l'aime, et puis aussi pour moi, parce que j'adore cette chanson, c'est tout. Donc on peut s'attendre à ce qu'on ait des titres bonus prochainement qui sortiront et issus de cette session de l'album à partir de maintenant. À présent, on va parler donc de l'émission 500, oui, qui a eu lieu le 26 octobre 2022 et en exclusivité avec l'autorisation de Universal France, c'était la présentation du coffret Bercy avec les 4 captations inédites mixées et masterisées en 2022. Donc cette émission, il y avait la participation donc de Jean-François Chenu, consultant catalogue Johnny, de Xavier Perrault, chef du projet Bac catalogue chez Universal et de Jean-Étienne et de Geoffroy du studio Townhouse. On va écouter un extrait de l'interview de Jean-Étienne et de Geoffroy du studio Townhouse et juste après on écoutera Johnny à Bercy en 1995. Et quelles étaient les consignes de la maison de disques Universal par rapport à cette remasterisation de ces concerts alternatifs? Il y en avait pas vraiment. En fait, on s'est concerté avec les quelques entre guillemets fans et gens. Il connaissait vraiment très bien Johnny. Et puis, on s'est mis d'accord sur le fait de se dire qu'on allait traiter le live comme si, finalement, on était devant la scène, en fait. Mmh. Ouais. Et donc, avec la précision que ça implique, l'énergie que ça implique, justement, le fait de qu'il y ait moins de reverb, qu'il y ait moins de la pièce. Peut-être aussi atténuer. On est tombé d'accord là-dessus, quoi. Mettre les guitares un peu plus fortes, d'enlever un peu le côté 90. Ouais. 80. Voilà, l'idée c'était ça. On est tombé d'accord, en fait, c'est un consensus entre Universal, quelques personnes, quelques fans et puis, bah, puis nous qui avions pris cette décision là. L'idée c'était de ramener quelque chose de plus naturel et puis d'appuyer le côté blues et rock, quoi. Exactement, parce que chaque concert vous avez pu refaire à une chaleur particulière également. Ah, tout à fait. Les années 80, c'est plutôt assez synthétique. Le Bercy 90, c'était, on va dire, un son plus brut, plus rock, on va dire. 92, ouais. Bah, c'était à peu près pareil, hein, le 92. Et le, 80, et le 95, on va dire, il est plus, c'est rock blues, c'est plus bluesy. Ouais, carrément, ouais. Alors, bah, avec les Américains, là, ouais, avec, puis ouais. Le fait qu'il y ait un 3 sur 7, là, un album sur scène, ça a pas mal changé. Petite, juste une petite, truc à rajouter, on les a remixés et non remasterisés, enfin, on les a aussi masterisés, mais c'est juste sur la terminologie. Oui. C'est qu'on est reparti, des multipistes et non stéréo pour retravailler. Il faut vraiment faire la différence entre remixer un album et la remasterisation, en fait, de compte. Voilà, alors remixer, on repart des pistes séparées, ouais. En fait. Donc, quand ils enregistrent un live, ils enregistrent une quarantaine de pistes qui correspondent au nombre d'instruments et au nombre de micros qu'il y a sur scène. Et là, vous travaillez sur combien de pistes exactement ? Bah, ça dépendait des lives, mais sur le 90-92, il y avait facilement 48 pistes. Ah ouais. Au minimum, quoi. Là, c'est bien chargé, oui. Bah, il y a... La basse, batterie, deux guitares, deux claviers. Et à chaque fois, tout est séparé. Hein. Exactement. Il y a un micro par instrument, enfin par personne. Et les claviers, en général, c'est des stéréos, donc il y en a deux. Et la batterie, il y a 8 à 10 micros sur la batterie. Exactement, c'est ce que j'allais dire. D'où la nécessité, pour arriver à un résultat plus avec cette fameuse proximité, d'isoler correctement tout ça, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Ah ouais. C'est un gros, gros. Oui, parce que justement, la batterie, mais elle change carrément du mix original. Carrément. Ouais. On a un son plus brut, beaucoup moins de réverb, beaucoup, évidemment, on a un son moins années 80, justement. Et ça, c'est justement, tout ça, ça vient de la part de pouvoir isoler la réverb des autres instruments, ou c'est vraiment c'est la couleur que vous voulez donner après à ces lives? C'est les deux, c'est à la fois le fait de pouvoir mieux isoler, mais à l'époque, ils pouvaient isoler un peu la batterie avec des gates, mm-hmm. On appelle des gates. Mais ça, c'était surtout une direction, entre guillemets, artistique, qui était prise de faire le truc plus moderne avec la batterie plus devant, quoi, plus sèche. Ce qui se fait sur les productions actuelles, en général. C'est ça, donc c'est vraiment un son actuel que vous avez mis en avant. C'était un peu l'idée. C'était l'idée, ouais. De remettre un peu plus d'actualité dans ces lives-là, ouais. Merci. 95, extrait donc de ce live, de ces remixes live, de ce coffret Bercy. Et Jolie va s'installer au centre de la scène, sur la petite scène de Bercy 95 pour interpréter une partie unplug. Comment ça va ce soir? Vous êtes en forme? Ah, ça fait plaisir de se sentir un peu plus près de vous. Ce soir, je vais vous inviter chez moi pour vous chanter quelques chansons comme je fais quelquefois pour mes potes, pour mes intimes, pour les filles. Donc, je vais vous inviter chez moi. Maintenant, reste à savoir si c'est chez moi à Paris ou chez moi à Lorada. Paris? Comment non? C'est pas mal à Paris. Bon, alors, à la Lorada. Ouh, à Lorada, bon. Est-ce que je peux avoir un peu de lumière pour voir un peu tout le monde ce soir? Histoire de vous sentir un peu plus près. Bien, je vous vois bien comme ça. «

effacerai de ma mémoire tous mes souvenirs d'hier. Depuis mon premier poème jusqu'à ma dernière guerre, j'effacerai de ma mémoire depuis mon premier jour jusqu'à la nuit qui vient. De demain et ma tête se videra, je serai fou enfin. J'effacerai même ma mémoire et le néant s'ouvrira, mais je ne t'oublierai pas, j'y plongerai avec toi. Jusqu'à la nuit qui vient. Et dans le livre de mon histoire, les pages deviendront blanches du début jusqu'au mot fin. Mot fin, mot fin, mot fin, mot fin, mot fin, mot fin, mot fin, mot fin. Et si vous voulez réécouter des émissions Johnny de A à Z, n'hésitez pas à taper johnnyaz.lepodcast.fr, johnnyaz.lepodcast.fr pour retrouver plus près de 200 émissions, près de 200 podcasts de votre émission préférée Johnny de A à Z qui officie pratiquement, oui, pratiquement tous les mercredis de 22h à minuit puisque l'année 2022, sur une année il y a 52 semaines, il n'y a eu que 29 émissions. Oui, vous me faites remarquer, oui, il n'y en a pas assez, c'est ça, il n'y en a pas assez. Mais on va essayer de faire mieux l'année prochaine, on le fera peut-être 30. 30 alors. Émission 62, c'était l'émission Tout Johnny avec un invité Jean-François Chenu pour nous présenter son dernier livre Tout Johnny chez Flammarion, co-écrit avec Bernard Fossé et Thibaut Geffrotin sur la discographie française et étrangère de Johnny. En même temps, nous parlions du projet d'Universal sur les thématiques Johnny, rebelle, irrésistible, performeur, pionnier, solitaire. Pas d'extrait, car cette émission, je l'ai pas, et voilà. Donc, elle ne saurait tarder. J'espère qu'elle arrivera très prochainement pour le proposer prochainement en podcast. Émission 503, Les Trois Mousquetaires, émission qui a été diffusée il y a 15 jours de ça, le 7 décembre. On faisait la promotion du livre Johnny Hallyday All Access, à ses côtés en coulisses aux éditions Segers, et on retrouvait Roger Abriol, Jacques Rouvérolis et Bernard Schmitt qui ont œuvré 110 ans à eux trois pour que chaque concert de Johnny Hallyday soit une réussite, et le tout était ponctué d'extraits du coffret de Bercy sorti le 2 décembre. On va écouter une interview du trio, des Trois Mousquetaires, à suivi du titre, Je te promets de Bercy 90. J'avais mon équipe rapprochée, Roger Abriol, Schmitt, Jacques Rouvérolis, bref, on était 5-6 comme ça, à se réunir, à avoir des idées, à exploiter tant une idée que pouvait nous avoir donné Johnny. Moi, j'interviens effectivement pratiquement dès le départ, parce que avec Roger, on avait un fonctionnement extrêmement d'osmose. Moi, quand j'avais une idée, j'en parlais à Roger. Roger me donnait des éléments aussi que je n'avais pas forcément sur les lieux où on allait jouer, sur le nombre de dates, parce que tout ça, ça influe beaucoup quand même. Donc, ça passait par des discussions un peu à bâton rompu, jusqu'à ce que tout à coup une idée se solidifie, un peu en se disant c'est là qu'on va aller. Dans notre tête, c'était pas « faut faire plus fort, faut faire plus fort ». Ma tête, moi, c'était « faut faire nouveau, faut faire nouveau ». J'ai adoré faire ça. J'ai adoré parce que, comme on le disait, déjà de travailler en binôme avec quelqu'un qui crée le côté artistique du spectacle, ou avec Bernard, par exemple, on travaillait vraiment en binôme,

Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Lors de l'émission de la semaine dernière, je vous présentais les sorties posthumes live. Depuis la disparition de Johnny Hallyday, les maisons de disques Universal Music et Warner nous ont sorti pas moins de 34 albums live inédits ou alternatifs de 2018 à 2012. Je vous présente un extrait, quelques cris, extrait de l'Olympia du 12 août 2000. J'ai poussé. C'était un cri de nouveau-né. Le jour où ma mère me mit bas, du sanglant entre ses bras, l'éclat du soleil me fit peur, me fit peur. La deuxième fois que j'ai crié, ce fut un cri de volupté. Lorsqu'une femme ne m'attira, une tremblante entre ses bras, l'éclat du plaisir me fit peur, il me fit peur. J'avais le regard. C'est pas que du corps parfois se foudroie. Que du corps parfois se foudroie. Le troisième cri que j'ai lancé, il fut celui de l'homme comblé. La foule me rappela en scène pour la dixième fois. L'éclat du succès me fit peur, oui, me fit peur. Si aujourd'hui je ne crie plus, c'est qu'une autre a pris le dessus. Elle parle peu, elle parle pas, la solitude brise ma voix, l'écho de ma vie me fait peur, il me fait peur. J'avais le regard affamé, passage à cette émission Johnny 2 à Z, la 505e avec cette rétrospective de l'année 2022. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté et participé à cette émission et je vous souhaite à toutes et à tous de très très très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve, c'est promis, l'année prochaine pour de nouvelles aventures sur la planète Hallyday et il y en a encore des choses à dire, il y en a encore des choses à dire et à écouter. Bonne nuit à toutes et à tous, à très très très bientôt, encore bonne fête, bientôt, ciao ciao.